Votation suisse. La loi Covid-19 rend possible la discrimination des personnes non vaccinées. Le 13 juin 2021, l'électorat suisse pourra se prononcer sur 5 propositions de loi. CLA TV a déjà fait une émission sur la loi dite antiterroriste et la loi sur le CO2. L'émission d'aujourd'hui traite du vote référendaire sur la loi Covid-19. Une acceptation de cette loi limiterait massivement l'autodétermination des Suisses. Mais prenons les choses étape par étape. À partir de mars 2020, le Conseil fédéral suisse gouverne selon des décrets d'urgence temporaires, conformément à l'article 185 alinéa 3 de la Constitution. Pour éviter qu'il ne devienne caduc au bout de 6 mois, le Parlement suisse a clairement approuvé la loi d'urgence Covid-19. CLA TV en parle dans l'émission en allemand. Pourquoi considérer la loi suisse Covid-19 comme anticonstitutionnelle? La loi Covid-19, par exemple, impose des restrictions à la liberté des personnes non vaccinées. En mars 2021, le Parlement suisse a renforcé l'article 3A de la loi Covid-19 comme suit. Les personnes vaccinées contre le Covid-19 ne sont soumises à aucune quarantaine. Les personnes non vaccinées sont donc désavantagées. Il s'agit d'une violation des droits fondamentaux énoncés aux articles 8 et 10 de la Constitution fédérale suisse. Article 8, alinéa 2. Nul ne doit subir de discrimination du fait, notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Article 10, alinéa 2. Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Le Parlement est immédiatement allé plus loin en imposant légalement un certificat de vaccination, de test et de guérison à l'article 6A de la loi Covid-19. À l'avenir, l'entrée au cinéma, au théâtre, aux concerts et aux manifestations sportives ou même à l'école ne sera-t-elle possible qu'avec un certificat Covid valide? En ce qui concerne la recherche numérique des personnes contacts, les responsables politiques ont promis qu'elle resterait volontaire. Mais depuis la session de printemps du Parlement, la loi Covid-19 stipule que le gouvernement fédéral doit mettre en œuvre une recherche complète, efficace et numérique des personnes contacts. Cela signifie-t-il la fin du volontarisme? Les critiques qualifient de dangereuse la loi Covid-19 renforcée, car elle ouvre la voie à une dictature sanitaire. Ce sont surtout les nouveaux articles de la loi Covid-19 qui ouvrent la porte à l'exclusion et à la discrimination des non-vaccinés. Donc, non à la loi Covid-19 le 13 juin 2021. Nein zum Covid-19-Gesetz am 13. Juni 2021.